Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut encore élever le niveau plus que ça? Eh bien, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que oui, puisque vous l'attendez peut-être. C'est le moment de la chronique d'Emeric Lomprey. Bonjour à tous, vous allez bien? J'ai rien entendu! Ouais, ouais! Bon, hé, vous devez deviner qui je suis. 1%, 2%, 18%, 12%, 3%, 11%. Emeric Lomprey à taux variable. Oh! Oui, allez, oui. Allez, c'est difficile de s'arrêter de rire après ça. Allez, c'est parti pour l'actualité. L'actualité n'attend pas. L'actualité, c'est pas un enfant roux qu'on aurait battu, brûlé avec des cigarettes et lâchement abandonné le long d'une route de Moselle et qui serait là. Pourquoi? Pourquoi la Moselle? Parce que t'es roux. Bon, là, c'est assez facile de s'arrêter de rire. Allez! Eh, hey, bon, je vais aller faire baiser des cobras, moi. Bon, alors, eh, hey, vous avez vu la dette de la France? Aïe, aïe, aïe, la France, elle est sur la paille. Bientôt, la France, elle sera à la rue de l'humanité où qu'on aille. Pouh, il a acheté une carte à la bibliothèque ou quoi, lui? Attends, riez pas, riez pas. C'est la merde en France. Là, c'est la merde. La France, bientôt, elle sera dans le caniveau. La France, elle va être là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Après, la Chine, elle va arriver, elle va dire un bandour. Non, oulala, non, non, non. Oh là là, non, non, non, non, oui, pas oui, faire oui. L'accent chinois, c'est raciste. Pensez à mettre Didascali au début de la phrase. Alors, la priorité du gouvernement, là, pour faire des économies, ils ont décidé de s'attaquer à la fraude fiscale. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est Bruno Le Maire à l'économie, c'était pas Karl Marx, hein. Sinon, on l'aurait su, si ça avait été Karl Marx, il y aurait eu des poils dans l'évier. Si ça avait été... Mais réfléchissez. Le public de Nova. Putain, y'a pas que la musique et les vélos cargo dans la vie. Ouais, oh. Si vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui va s'intéresser à vous. Merde, merde, bande de... Tiens, excusez-moi, patron, Guillaume, excusez-moi. Putain, je m'emporte. J'ai envie de tout faire valdinguer. Putain, j'ai jamais été comme ça, jamais. Jamais, à part lundi dernier, ou à mon cours de pilates, où le prof, il a dit « Eh, le gros, au fond, on essaye au moins de toucher le genou. » Après, j'étais là... Putain, pourquoi il dit ça? Ça sert à rien de toucher son genou. Jamais ça gratte au genou. J'aurais pas dû à la fête de l'humain. Allez, non, ça gratte jamais les genoux. Les moustiques, ils piquent jamais au genou. Parce que le genou, c'est tendre. Bon, allez. Non. Bon, on arrête l'émission. On dit on arrête l'émission. Et on va donner des cours de pilates à Pointe-à-Pitre. Et on appelle ça Pilates des Caraïbes. Bon. C'est bon. Mais ouais, mais... Bon, alors, non, mais c'est pas ça que je voulais dire, en fait. Bon, Bruno Le Maire, avant de partir, il a dit que la dette, pour s'attaquer à la dette, il fallait s'attaquer aux gens qui prennent trop d'arrêts maladie. Dernier caca avant de libérer les chiottes. Non. Putain, Bruno Le Maire, quoi. Bruno Le Maire, wow. 7 ans qu'il est ministre de l'économie, à boire du urinard et s'empiffrer comme un gros sac, la dette a progressé de 900 milliards, il a rajouté 40% à la dette, et quand il part, tout ce qu'il trouve à dire, c'est « Eh les gars, faites attention avec vos jours de carence quand même, là. Merde. » Il est nul, Bruno Le Maire, il est nul. T'es nul, Bruno. Il est nul. Il est nul en économie. Peut-être qu'il aurait dû être ministre des nuls. Tu sais, il se serait réuni tous les mercredis matins, qu'en novembre, avec ses collègues nuls autour de lui. Là, tu sais, l'inventeur des galettes de riz, l'inventeur du tire-bouchon électrique, Patrick Fiori, et quelqu'un qui dit toujours « Un verre d'eau entre chaque bière !» Après, il serait là. Il serait là autour de la table. Bonjour, si je vous ai réuni, c'est parce que l'heure est grave. On doit absolument préparer 250 kilos de macédoine de légumes. Ok, ok, je vais mettre des petites galettes de riz pour accompagner. Corsica, Corsica, Bonifacio, j'ouvre une bouteille. Je vais chercher de l'eau. Bon, en plus, on rigole bien. Bon, en plus, Bruno, il voit que le nombre d'arrêts maladie, il augmente. Lui, il pense tout de suite à la fraude. Lui, c'est la fraude. Tu sais, il se dit pas, tiens, peut-être que les conditions de travail sont de plus en plus dures à cause du stress. Peut-être les vieux, ils travaillent plus longtemps à cause de leur réforme de retraite à la con. Non, lui, c'est la fraude. Hein? Mais ça, c'est les problèmes des politiques. T'sais, ils ont tellement l'habitude de frauder qu'ils croient que tout le monde le fait. Merci de m'avoir écouté. Allez, Emeric Lomprey, mesdames et messieurs. Pas mal. Ah, tu t'es auto-satisfait. Ah ouais. Ouais. C'est toi qui vas écrire les commentaires sous ta chronique. Oh, ouais, ouais. Pas mal. Comme quoi, l'extasie, c'est pour... Ouais.